Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, la Commune de Paris, dernière révolution avant la République. Une série d'Anaïs Quien réalisée par Somanina. Au départ de cette série, il y a une commémoration, une histoire qu'on ne connaît qu'en partie, et le rêve de ce rêve d'une vie plus belle qui a traversé tant de personnes d'horizons différents. Alors pour commencer, les personnages. Une historienne qui parle aux disparus, une autre qui démine, des femmes sur le terrain, un historien qui précise, un dessinateur ému, un historien qui partage et une historienne qui vibre. Ensuite, le décor. Des lettres, la prison, des réputations, des étrangers, des exécutions, des déportations, des rues, des quartiers, des parcs, la Calédonie, l'amnistie, des fantômes, des pèlerinages et des extraits des films de Peter Watkins et de Solveig Anspach. Aujourd'hui, 3e épisode, on écoute un témoignage. Vous me demandez, chers camarades, quel a été mon rôle du 18 mars à la fin de mai 1871 ? Je suis partie avec les compagnies de marche de la commune dès la première sortie. Je faisais partie du bataillon de Montmartre et je me suis battue dans les rangs comme un soldat. J'ai pensé en conscience que c'était ce qu'il y avait de plus utile à faire. J'ai nécessairement continué dans Paris comme les autres, jusqu'à ce que... Les Versaillais ayant arrêté ma mère pour la fusiller à ma place... Je sois allée la faire mettre en liberté, malgré elle, en réclamant cette place pour moi, Louise Michel. La Commune de Paris, dernière révolution avant la République. La Commune de Paris est la dernière révolution française. Cette fois-ci, il n'était pas question de déboulonner un roi, mais de choisir la nature de la République en France. Qu'est-ce qu'une bonne République ? Si l'on entend aujourd'hui que la Commune n'est pas morte, c'est qu'elle a lancé un débat qui court encore. Un débat lancé par celles et ceux qui ont donné naissance à la Commune de Paris. Mais qui sont les communardes et les communards qui ont signé de leur sang cette dernière Révolution française ? Ils sont nombreux à retrouver l'anonymat après la semaine sanglante, dans la foule des faubourgs parisiens loin de Belleville, de Montmartre et de la Butte aux Cailles. En exil en Belgique ou en Angleterre, ils sont aussi nombreux celles et ceux qui en sont morts. Il y a peu de héros ou d'héroïnes dans le récit de la Commune, à l'exception de Louise Michel, devenue la figure sensationnelle d'une insurrection qui vouait pourtant un culte à l'action collective. Ludivine Pantini a écrit un recueil de lettres qu'elle adresse aux hommes et aux femmes de la Commune de Paris, croisés dans les archives. Elle y interroge le ressort de leur engagement dans cette dernière révolution du XIXe siècle. À Louise Michel. Comme toi, nous n'oublions pas que l'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain. Vos espoirs, les nôtres, portent en eux des volontés d'association et de coopération. Ils aspirent à une vie bonne, juste et humaine. On peut encore le faire avec tes mots, Louise, et cette confiance que tu avais, que sonne le glas du vieux monde. Vous avez proposé d'extraordinaires brouillons de futur. Il a fallu en rabattre ensuite sur cet imaginaire, ses projections, la construction de projets révolutionnaires. Mais ils ne tarissent jamais, ils reviennent. Ils ne s'enfouissent pas dans le temps comme de l'eau versée sur du sable. Ils se retissent, doucement. Si tant est que l'avenir dure longtemps. Pourquoi écrire d'abord à Louise Michel comme si elle était en vie, comme si elle pouvait nous répondre ? D'abord parce qu'elle-même a beaucoup écrit, sa correspondance est assez fabuleuse. Elle a été éditée sous le titre « Je vous écris de ma nuit » quand elle était en prison. C'est une révolutionnaire incroyable, d'un courage extraordinaire, d'une ténacité dans l'engagement. Toute sa vie jusqu'à son dernier souffle, elle a été cette révolutionnaire. Et elle était vraiment prête au sacrifice de sa vie. Mais vraiment, on peut la lire, certaines de ses lettres, où elle veut mourir vraiment à la place de l'homme qu'elle aime. Elle veut tout simplement... Elle veut être traitée d'ailleurs à l'égal de ceux qu'elle appelle ses frères. Et Éric Fournier, aux éditions Libertalia, a édité un opuscule de ses textes qui s'appelle « À mes frères ». Bon, elle ne veut pas être rabaissée en quelque sorte, elle veut avoir la même dignité en tant que femme, et cette dignité, elle passe par la possibilité aussi de monter à l'échafaud, finalement, hein, comme elle le dit. Et donc, il y a ce courage, ces propositions. Louise Michel, c'était une institutrice, et elle a beaucoup de projets pour l'émancipation par l'éducation, et ça continue d'inspirer aujourd'hui certains groupes qui réfléchissent aux pédagogies émancipatrices. Voilà. Donc, la figure de Louise Michel reste quand même dans les souvenirs de ce point de vue. Et évidemment, il ne s'agit surtout pas de réduire la commune à Louise Michel. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir à quel point, au fond, Louise Michel, dans le maelstrom de la commune, bon, c'est pas une figure unique, bien loin de là. Hein. Et ce qui est passionnant grâce aux archives qui nous mettent au ras du sol des protagonistes de la commune, c'est de voir émerger justement toutes ces figures d'hommes et de femmes, et d'enfants d'ailleurs aussi, de jeunes adolescents, mais de femmes assez, assez spectaculaires par leur courage justement, par leur manière de braver le pouvoir et la mort. Il y a sous toutes les grandes villes des fosses aux lions, des cavernes fermées, des pés barreaux où l'on parque les bêtes fauves, les bêtes puantes, les bêtes venimeuses, toutes les perversités réfractaires que la civilisation n'a pu apprivoiser. Ceux qui aiment le sang, ceux que l'incendie amuse comme un feu d'artifice, ceux que le vol délecte, ceux pour qui l'attentat à la pudeur représente l'amour, tous les monstres du cœur, tous les difformes de l'âme, population immonde, inconnue au jour et qui grouille sinistrement dans les profondeurs souterraines. Un jour, il advient ceci. Que le belluaire distrait oublie ses clés aux portes de la ménagerie et les animaux féroces se répandent dans la ville épouvantée avec des hurlements sauvages. Des cages ouvertes s'élancent les hyènes de 93 et les gorilles de la commune. George Sand. Les insurgés de la Commune de Paris sont encore victimes de la légende noire tracée par les vainqueurs. Le garde national hirsute et débraillé, porté sur la bouteille et assoiffé de sang. La pétroleuse, cette mégère imaginaire qui aurait abîmé la carte postale touristique avec sa perversion incendiaire. Il y a aussi les photos judiciaires dans les dossiers des procès de la Commune et celles de leurs cadavres que l'on conserve pudiquement sans parvenir à les empêcher de circuler. Ils ont pris, elles ont pris le pouvoir à Paris, dans la ville réputée la plus belle du monde, ravagée par les flammes de la guerre civile. Au lendemain de l'écrasement de la Commune, les ruines en témoignent. Si la légitimité politique et historique leur est refusée, la presse étrangère leur octroie immédiatement un talent fou pour créer ces paysages de destruction, de fantasmes de la chute de la civilisation que le romantisme chérit tant à l'époque. La Commune, c'est l'histoire d'une défaite dont les vaincus n'ont même pas eu la liberté de choisir le nom qu'on leur donnait. La Commune de Paris, celles et ceux qui l'ont faite, Anaïs Quien, Somanina. À l'origine, on employait plutôt le terme de communeux. Le terme de communard, comme tout ce qui se termine d'ailleurs en art, était péjoratif. Laure Godineau. Mais en réalité, très vite, les communards donc, ont repris ce terme, puisque eux-mêmes s'intitulent, enfin se nomment communards, surtout après 71, mais ils se nomment communards. Et les communards et les communardes, on les connaît notamment par tous les travaux qui ont été faits avec les conseils de guerre, donc sur les dossiers réalisés au moment des procès des conseils de guerre. Et on a ainsi une sociologie de ces communards et de ces communardes. Donc ce qu'avait montré Rougeret, mais il y a déjà très longtemps, hein, c'est que c'était des Parisiens, évidemment, mais enfin pour la Commune de Paris, et des Parisiennes. mais qui ne correspondait pas du tout à une population qu'on a voulu décrire comme celle des bas-fonds, mais qui était la population tout simplement des travailleurs et des travailleuses de Paris, hein, la population du travail à Paris. Était-ce des ouvriers ? Il faut nuancer. Michel Vinocq. Quand on voit les statistiques de ceux qui ont été jugés et condamnés à la déportation, à la peine de mort parfois, on voit bien que la majorité sont des travailleurs manuels. C'est indiscutable. Une partie d'entre eux, illettrés. Mais à côté d'eux, il y avait des petits employés, des employés petits, enfin je veux dire modestes, il y avait des fonctionnaires, il y avait des intellectuels du genre enseignants, écrivains, journalistes, etc. Donc une composition sociale assez mêlée, mais néanmoins un centre de gravité, un poids spécifique indiscutablement ouvrier. Ça, c'est sûr. Oui, évidemment. Il y a le fédéré, hein, l'image du fédéré, c'est-à-dire de l'homme en armes, d'origine populaire. Bertrand Tillier, historien de l'art. Il y a la pétroleuse, hein, ça a été un type iconographique très, très rapidement répandu. Donc, c'est une espèce de mégère, de harpie. Armée de seaux de pétrole qui met le feu dans les caves, dans les cours, dans les escaliers. Voilà. Et puis, il y a... Alors, c'est plus curieux, mais ces stéréotypes graphiques de la femme du peuple et de l'homme du peuple, avec cette idée que ce sont des gens simples mais dangereux. Pour aller vite, on pourrait dire des brutes. Incontrôlables, qui vont composer des foules dangereuses. Ces stéréotypes, ils vont être très nourris après la Commune, à travers les photographies, les portraits de communards et de communardes que réalise Eugène Appert, qui était un photographe parisien, qui sera chargé par les autorités versaillaises de faire une sorte de sommier judiciaire des conseils de guerre. Et donc, il photographie dans les différentes prisons les communards, il fait poser les hommes et les femmes. C'est comme ça qu'on connaît beaucoup de leurs visages, dans un dispositif assez immuable, sur un fond neutre. Et évidemment, ces images qui sont des images de fichiers, elles ont pour vocation de montrer aussi ce qu'est... cette espèce de banalité des individus qui parfois sont des individus sans grande caractéristique en quelque sorte, disons. Donc tout le sentiment de rejet de la Commune qu'on va trouver dans les années 1880-90, il est aussi nourri de ces images qu'on pouvait acheter, que Appert vendait, et à partir desquelles il a aussi construit ces photomontages très anticommunards qui s'appellent les crimes de la Commune, qui ont constitué une sorte de narration négative de la Commune. L'exécution de Monseigneur Darbois, les otages de la rue Axo, les dominicains d'Arcueil, enfin j'en passe. Il a construit une espèce de récit visuel des heures sombres de la Commune. Pas une de ces femmes n'avait une figure humaine. C'était l'image du crime et du vice. C'était des corps sans âme qui avaient mérité mille fois la mort, même avant de toucher au pétrole. Il n'y a qu'un mot pour les peindre. Laideur. Arsène Housset. On présente les femmes comme des pétroleuses. C'était les femmes qui allaient brûler Paris à la fin avec des bidons remplis de pétrole. C'est une image fantasmatique qui n'a pas existé, mais qui était représentée. Raphaël Messan, auteur de la série graphique « Les damnés de la Commune », une enquête sur un certain Lavalette, communards anonymes. Les hommes étaient des alcooliques, des brutes épaisses, les enfants livrés à eux-mêmes étaient violents. Donc il y a quelques images qui sont vraiment caricaturales comme ça, mais pas toutes. Il y avait toute une iconographie des gravures. Ce sont des gravures qui ont été publiées dans des journaux souvent conservateurs, parfois versaillais, vraiment anticommunards. Certaines sont très caricaturales, mais beaucoup sont dans un style très réaliste, avec des journalistes dessinateurs qui vont sur place. Donc il y a quand même une fiabilité dans ce qui est dessiné, malgré l'interprétation évidente du dessinateur. Comme le dessin, la gravure, ça permet une production très, très rapide, très réactive, des tirages qu'on peut allonger. Donc la mise en œuvre d'une image, elle est de ce point de vue-là très, très rapide. En revanche, pour la peinture, évidemment, c'est très différent. C'est pas une question neuve en 1871, mais on voit que, par exemple, pendant la Révolution française, les grands tableaux de David, ils ont été possibles pendant la Révolution parce que la Révolution a duré. Elle a duré plus que 3 jours, plus que 70 jours. Donc peindre des tableaux pendant la Commune, évidemment, c'est une difficulté. Il y a une difficulté dans la temporalité même de l'événement. Et au fond, il y a eu très très peu de tableaux peints pendant la Commune. Ça, c'est la première constatation qu'on peut faire. La seconde, c'est que, évidemment, beaucoup des peintres ont quitté Paris. Et pour ceux qui sont restés à Paris, la question, c'était de savoir quoi y faire pendant cette révolution. Est-ce qu'on pouvait être un spectateur? Est-ce qu'on pouvait être un acteur? Et si on était un acteur, comment agir? Peindre ou faire la révolution, en fait? C'est un peu la question. Faire la révolution ne laisse pas beaucoup de temps pour peindre, et peindre ne laisse pas beaucoup de temps non plus pour agir en révolutionnaire. Une personnalité évidemment très emblématique qu'on peut tout de suite évoquer, c'est Courbet. Gustave Courbet, c'est quelqu'un qui, à ce moment-là, décide plutôt de faire la révolution. Moi, la démarche que j'ai eue, c'était de chercher, et je le raconte dans le livre, c'est un peu une enquête policière. Je cherche ce voisin communard, sauf que au lieu de rechercher le meurtrier, comme dans une enquête policière, je cherche le héros. Qui est-il? Au début, on ne sait pas. Petit à petit, on le découvre. On le découvre sous plusieurs angles, sous plusieurs facettes, parfois positives, parfois aussi négatives et ambiguës. Et à la fin, je vous laisse juger. Puisque vous avez lu toutes sortes de littératures sur le parcours de la Valette, vous avez trouvé un peu tout et n'importe quoi pour caractériser cet homme-là. C'est à la fois un monstre et un héros. Alors, il y a une littérature qui est anticommunarde, extrêmement violente, qui présente mon voisin communard sous son plus mauvais jour. Ce serait une brute, incapable de réflexion, complètement stupide. Et puis, il y a d'autres sources, d'autres témoignages qui le présentent comme beaucoup plus modéré, beaucoup plus intéressant. Et je crois que c'était aussi un homme très contrasté, qui pouvait être capable de grands moments d'héroïsme comme de petites trahisons. La mémoire dominante est une mémoire versaillaise. Éric Fournier. C'est-à-dire on a une frénésie éditoriale, parce que la Commune fait vendre, où des écrivains versaillais racontent les pires horreurs possibles sur la Commune. C'est-à-dire une littérature des vainqueurs. Ah, là, oui, voilà, c'est la justice vengeresse des vainqueurs, une littérature de vainqueurs aussi. Les communards sont assimilés. En fait, c'est une récapitulation de toutes les barbaries possibles, historiquement et géographiquement. C'est-à-dire, on les compare. Par exemple, je cite aux nègres esclaves révoltés d'Amérique. Alors ça, c'est très grave, hein, parce que c'est vraiment la barbarie du révolté, le marronnage, le souvenir de Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle, c'est très présent. Donc ça, c'est vraiment une des pires insultes possibles. Et surtout, c'est une récapitulation de toutes les barbaries historiques. Et par exemple, la presse versaillaise ou des auteurs versaillais appellent les communards les Nérons du ruisseau. C'est-à-dire, ils se prennent pour Néron, donc la démesure antique, mais ils restent malgré tout marqués par la médiocrité de leur origine prolétaire, donc les Nérons du ruisseau ou les Hérostrates donc un autre incendiaire célèbre de l'Antiquité, les Hérostrates du Faubourg. Et puis on a vraiment... les communards finissent par devenir l'incarnation d'un mal métaphysique. Donc un écrivain versaillais, Paul de Saint-Victor, a eu cette phrase, bon, politiquement horrible, mais dans son genre magnifique. Néron, à travers les siècles, y passait sa torche à Babeuf. C'est la postérité de Caïn. Donc on voit Caïn, Néron, Babeuf, la Commune. On voit s'élaborer une généalogie apocalyptique et barbare de la Commune. C'était la mémoire dominante pendant une dizaine d'années, qui était la mémoire donc, du Parti de l'Ordre des vainqueurs. Jean-Louis Robert. Qui est une mémoire qui va fabriquer une image totalement noire de la Commune, c'est-à-dire au fond, les communards, ceux des prostituées, un artiste communard, il est obligatoirement raté, c'est que des étrangers, regardez Frankel, le délégué du travail, c'est un Prussien, bon, il n'est pas Prussien, mais il est Hongrois, mais bon, voilà, etc. Donc on fabrique une mémoire qui résume la Commune à effectivement des incendies qu'elle a en partie déclenchés, les Tuileries, l'Hôtel de Ville par exemple, et on fabrique une mémoire qui ne retient de la Commune que ça. Raphaël Maïssan, on trouve une carte dans le tome 1 de votre série, Les damnés de la Commune. Pourquoi vous avez voulu montrer à vos lecteurs cette carte, cette géographie de la Commune de Paris ? Je me suis rendu compte en faisant ces recherches que j'habitais dans Paris. J'avais l'impression d'habiter dans Paris, mais que j'y habitais comme un amnésique. Comme une personne qui vivait cette ville en trois dimensions, mais il en manquait une quatrième, c'était la dimension historique que j'ai découvert avec ces recherches. Et à chaque fois que je découvrais que dans mon quartier se passait quelque chose, que Lavalette s'était réunie juste à côté du bar des Folies, où j'allais souvent, dans une grande salle de réunion de l'époque, un cabaret qui rassemblait jusqu'à 3000 personnes... Pour moi, ça prenait du sens. La ville prenait du sens. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est là qu'avait germé l'idée folle de cette commune de Paris. Et petit à petit, j'ai sillonné la ville et j'ai découvert que dans chaque quartier, dans chaque rue, s'étaient passés des événements importants. Et j'avais besoin de montrer ça, de partager ça, à travers notamment cette carte qui se trouve en annexe du premier livre. Dans ma recherche, j'ai découvert une autre personne qui est Victorine. Alors Victorine, c'est une fille de 48 ans, de militant de la Révolution de 1848. Son père a dû fuir et s'est exilé en Belgique. Et sa mère était aussi une 48 ans, et celle qui l'a élevée. Elle a grandi dans cette idée d'une république confisquée. Elle a une trentaine d'années pendant la Commune de Paris. Elle a une histoire qui est très dure parce qu'elle a plusieurs enfants qui meurent en bas âge, dont le dernier quelques jours avant l'insurrection du 18 mars, le 14 mars. Elle l'enterre la veille de l'insurrection et elle se donne à corps perdu dans la commune. Et elle s'engage dans un bataillon de la garde nationale. Et ça devient une sorte de nouvelle famille avec qui elle traverse cette histoire, cette aventure collective. Elle laissait un témoignage sur la Commune de Paris. Un témoignage écrit, souvenir d'une morte vivante, qui m'a bouleversé et qui m'a accompagné de bout en bout. Je raconte la Commune de Paris avec elle. Et dans toute mon enquête... Dans toutes mes recherches, j'avais le sentiment que Victorine me tenait par la main. Moi, il y a un cas que j'avais trouvé dans les archives que j'ai adoré, sur lequel j'ai passé beaucoup de temps alors qu'il y avait très peu de sources. Quentin de Luermoz. C'est une lingère qui s'appelle Jeanne Bigeaud. Elle est assez peu présente parmi les milieux militants ou républicains. Enfin, on n'entend pas trop parler d'elle avant la Commune. Et c'est à l'occasion de la Commune, en fait, qu'elle va s'investir dans l'événement. Ça, c'est ce que un historien de la Révolution française appelait le protagonisme. Hein, c'est-à-dire qu'au moment où l'événement a lieu, on a l'impression, un seul coup, qu'on devient acteur de l'histoire et on s'engage, on change littéralement de peau et on devient une communarde. Elle était membre des clubs féminins de la capitale, elle a participé à la fabrication des cartouches. Et certaines femmes vont s'engager en tant que femmes, donc on a une dimension féministe dans la Révolution communale. Et là, on va trouver des figures connues, hein, évidemment. C'est là qu'on va trouver Louise Michel, par exemple, qui est une institutrice, qui est déjà blanquiste à ce moment-là, très insérée dans les milieux socialistes de la fin des années 1860, et qui, elle, fait la transgression la plus assumée, hein, puisqu'elle porte les armes, le revendique, et on la retrouve effectivement sur les barricades. C'est vrai que beaucoup d'ambulancières et de cantinières vont prendre les armes aussi au moment de la Semaine sanglante. J'appartiens tout entière à la révolution sociale et j'accepte la responsabilité de mes actes. Vous me reprochez d'avoir participé à l'assassinat des généraux. À cela, je répondrai oui. Quant à l'incendie de Paris, oui, j'y ai participé. On me dit que je suis complice de la Commune. Assurément, oui. Vous êtes des hommes qui allez me juger. Et je ne suis qu'une femme. Pourtant, je vous regarde en face. Nous n'avons jamais voulu que le triomphe des grands principes de la Révolution. Prenez ma vie si vous la voulez. Je ne suis pas femme à vous la disputer un seul instant. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Après son procès, Louise Michel est déportée en Nouvelle-Calédonie. Et j'étais maintenant, moi qui toute ma vie avais rêvé les voyages, en plein océan, entre le ciel et l'eau, comme entre deux déserts où l'on n'entendait que les vagues et le vent. Présente. Déporté Marty. Présente. Déporté Girard. Présente. Déporté Germain. Présente. Déporté Chevrier. Présente. Déporté Lemel. Présente. La Rochelle, 7 août 1873. Mathilde Larère. La pauvre, elle va bientôt embarquer. Monsieur le préfet, monsieur le directeur de la maison d'arrêt de La Rochelle vient de me communiquer l'ordre qu'il a reçu de sursoir à l'exécution de ma condamnation à la déportation dans une enceinte fortifiée. N'ayant pas reçu de nouvelles de mon recours en grâce, je déclare formellement que non seulement je n'en ai pas fait, mais que je désavoue celui qui serait fait à mon insu, ainsi que tous ceux qui pourraient être faits dans l'avenir. Ma condamnation est irrévocable. J'ai l'honneur de vous saluer. Nathalie Duval, femme Lemel. Nathalie Lemel est une des actrices de la Commune. Elle a beaucoup œuvré. C'est de toute façon une personnalité. Avant la Commune, elle a organisé la Marmite, qui est une cantine populaire organisée de façon autonome par les ouvriers. Elle et Varlin, hein, sont à la manœuvre. Donc elle est très proche des milieux socialistes, des milieux radicaux avant la Commune. Elle est présente dans la Commune. Elle continue à organiser d'ailleurs ce ravitaillement populaire. Elle combat, donc elle est arrêtée comme un grand nombre de communards. Elle est internée, comme aussi les autres communards, au camp de Satory, jugée et condamnée à la départation, aux travaux forcés. Elle va de fait partir en Nouvelle-Calédonie, où elle rencontrera mieux le... Elle la connaissait, mais c'est là qu'elle se parle le plus, Louise Michel. Et on considère que c'est en bonne partie sous l'influence aussi de Nathalie Lemel que Louise Michel passe d'une forme de blanquisme qui était plutôt le sien à l'anarchisme qui sera le sien par la suite. Il y a aussi une autre femme qui est très à la manœuvre, c'est Elisabeth Mitrieff, hein, qui elle n'est pas française, elle est d'origine russe, hein, mais c'est une internationaliste, et elle était à Londres avant la Commune, et elle est envoyée, coup de chance en fait, c'était deux hommes qui devaient être envoyés, et puis un des deux tombe malade, donc c'est elle qui part avec un autre internationaliste, et elle se retrouve au cœur de la Commune, et elle va avoir un rôle moteur dans à la fois la création de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Alors, quand on dit défense de Paris et soins aux blessés, on a l'impression que c'est que ces deux fonctions, mais c'est un espace dans lequel a beaucoup été à nouveau pensé, réfléchi et mis en application toute une réflexion sur quelle devait être la place au travail des femmes, quels devaient être leurs droits et quelle devait être aussi leur place dans le mouvement social. Cette franc-maçonnerie du crime, dont le drapeau n'a d'autre couleur que celle du sang, trônait et régnait à l'hôtel de ville. Elle avait recruté les routiers et les malandrins de l'Europe entière. Des faussaires polonais, des bravis garibaldiens, des pandours slaves, des agents prussiens, des flibustiers yankees, cavalcadaient en tête de ces bataillons, plus chamarrés et plus galonnés que l'état-major de Soulouk. Paris était devenu l'égout collecteur de la lie et de l'écume des deux mondes. Il expiait par le cosmopolitisme du crime le cosmopolitisme de corruption dont il s'était fait si longtemps le centre. Paul de Saint-Victor. Quentin de Luermoz, il y a aussi beaucoup d'étrangers à Paris pendant cette Commune de Paris. Que font-ils là ? En fait, la Commune a été associée d'abord aux étrangers par les Versaillais, hein, qui voulaient dénoncer par là une Commune cosmopolite. En gros, dans le langage versaillais, la Commune, c'est un ramassis d'ivrognes, de débauchés, de criminels et d'étrangers qui sèment le désordre dans la ville. Bon. L'exemple le plus connu, c'est celui de Dombrowski, parce qu'il va devenir chef d'état-major de la Commune. Il rencontre les socialistes allemands à un moment donné. Il devient membre de l'Internationale. Il se met à la disposition de la Commune en 1871. Puis très vite, il monte les échelons. Quelqu'un comme Joseph Combatz ou Lucien Combatz, c'est des plans des archives. Il arrive en France en 1870, il offre ses services à l'armée et il offre après ses services à la Commune de Paris. Mais ces volontaires étrangers, comme ils ont des compétences militaires, ils vont très vite occuper des postes plutôt d'officiers, de commandement, et vont être particulièrement visibles parce qu'ils vont encore une fois incarner cette idée d'une République universelle. Donc ils sont pas très nombreux, mais ils occupent des places importantes. Et symboliquement, hein, ils ont une portée très forte. Là où c'est important aussi, c'est que ça veut dire qu'avec eux, la Commune est connectée à toutes les luttes républicaines et libérales de l'après-1848 européen, voire atlantique. C'est-à-dire qu'elle est connectée aux guerres de libération italiennes, aux luttes républicaines espagnoles, à la guerre civile américaine, aux luttes républicaines irlandaises, etc. etc. Alors, même si on dit que la Commune est isolée à Paris, en réalité, par la simple présence de ses volontaires, elle est connectée à tout cet extraordinaire espace de circulation républicain des années 1850-1870. Vous voudriez parler ou si vous n'avez pas la parole ? Votre liberté, les élus d'aujourd'hui la garantiront avec énergie, la consacreront à tout jamais. Frères entre vous, laissez-vous guider par des frères. Vers la voie de l'avenir avec fermeté. Facilitez les travaux en vous prêtant aux réformes indispensables. Groupez-vous donc autour de votre commune avec confiance. Notre but à tous est la République universelle. Bien sûr, avec la femme. Avec tous, les enfants, les femmes. Non, les ouvriers, les travailleurs. Les ouvriers. Alors, il y a une figure dont on a beaucoup parlé, c'est Eugène Varlin. Que représente-t-il ? Qui est-il ? Eugène Varlin, qui est un ouvrier et qui au début est un internationaliste, hein. C'est un ouvrier qualifié. Il rejoint très vite l'Association internationale des travailleurs dans sa section française et parisienne. Il s'oppose d'ailleurs dans un premier temps à ceux qui tiennent cette section française, qui sont plutôt proudhoniens. Et il s'oppose sur notamment la question de la place des femmes, parce que les proudhoniens, on le sait, étaient plutôt macho, sexiste. Varlin, pas du tout. C'est la jeune génération contre la plus vieille aussi, hein. Varlin est plus jeune. Et donc ensuite, c'est un internationaliste. Et pareil, il joue un rôle très important dans la commune. Il se fait d'abord élire officier dans la garde nationale. Donc il est à la fois dans le comité de la garde nationale et au Louis XIV. Il devait passer d'un étage à l'autre, j'imagine. Et pendant la commune, il est élu, il joue un rôle important. Enfin, là, il y a... Alors ce qu'il y a, c'est qu'il est, il est fusillé hein, à la fin de la commune, Varlin. Les chacals et les hyènes vinrent frapper les captifs des poings, des cannes, des ombrelles, arrachant képis et couvertures, criant « À l'assassin, à la guillotine !» Parmi les assassins marchait Élisée Reclus, pris avec Duval pour laisser aux fureurs le temps de s'assouvir. L'escorte fit plusieurs haltes avant de conduire les prisonniers à la caserne des gendarmes. Ils furent ensuite jetés dans les hangars de Satory, et de là, acheminés sur Brest dans des wagons à bestiaux. Déjà la veille, après les assassinats du Mont-Valérien et de Chatou, Monsieur Thiers avait écrit à ses préfets « L'effet moral est excellent. » Comment va se dérouler la reprise en main, après la semaine sanglante, de ce pouvoir national légal, ce gouvernement d'Adolphe Thiers? Quel sort va être réservé aux communards et aux communards de Jean-Louis Robert? Alors, pendant la semaine sanglante, d'abord, c'était une semaine terrible. On a fusillé sans jugement. Alors, quand on a pris une barricade, on fait pas de prisonniers. Voilà, on exécute immédiatement. On sait bien que ça se passe dans d'autres guerres de cette façon. Mais là, ça a été particulièrement massif et significatif, hein, ces exécutions sommaires immédiates. Et puis après, il y a les gens qu'on arrête, soit des gardes nationaux, soit des suspects un peu, et qu'on emmène dans des dizaines de cours militaires, martiales, qui sont temporaires et qui vont fonctionner pendant une semaine. Donc ils sont jugés par l'armée. Ils sont jugés par l'armée. Donc il y a ces exécutions sommaires dans la rue, disons immédiates. Comme par exemple Treillard, le directeur de l'assistance publique nommé par la commune, il a arrêté les fusillés devant le Polytechnique, comme hier, l'officier vous condamne. On ne dit quasiment jamais à mort, hein, on vous dit à droite, à gauche. Et à droite, vous allez heureusement rejoindre ceux qui partent en troupeau vers Versailles pour être mis en prison et éventuellement jugés par des cours qui seront plus organisés quand même après 1871. Ou, à gauche, ben, vous allez être exécuté. C'est comme ça que ça se passe au Luxembourg, par exemple, hein, où les gens traversent le Luxembourg et sont exécutés. Il y a une plaque que le Sénat a fait apposer à l'endroit où ces exécutions ont eu lieu, tout près du grand bassin central, où vous allez dans la caserne Lobo, vous marchez par groupe enchaîné d'une quarantaine de personnes, vous rentrez dans la caserne et on n'attend même pas et on vous tire dessus. Tout de suite, à peine vous êtes rentré dedans, les gendarmes vous mitraillent. Et puis, après, vous allez avoir effectivement une deuxième vague différente qui aboutira à beaucoup moins d'exécutions, hein, qui sont les jugements par les cours martiales, la constituer avec une accusation, les accusés ont le droit à un défenseur, où vont passer des dizaines de milliers de personnes qui ont été arrêtées à la suite de la commune et qui vont être jugées par ces cours. Et quatre possibilités. Bon, les acquittements, très peu. C'est une justice de classe, une justice d'exception, donc difficile de se déjuger même par l'acquittement. Les exécutions. Alors, il y en a eu, mais il n'y en a pas eu tant que ça, finalement, puisqu'il était devenu compliqué d'exécuter pour des motifs politiques. Depuis 1848, c'était compliqué, donc il fallait criminaliser le mouvement. Donc il y a eu des exécutions, mais moins que ce que l'on aurait pu penser, et des peines de prison, et surtout des peines de déportation. C'est-à-dire beaucoup de communards et de communardes sont envoyés en Nouvelle-Calédonie. Comme Louise Michel, par exemple, pour y purger leur peine. J'ai raconté bien des fois comment, pendant le voyage de Calédonie, je suis devenue anarchiste. Il me semblait des événements de cette époque loin de nous, comme 2000 années quand on s'est remis à parler de la Commune et à nous interroger. Nous qui sommes pareils à des ombres ayant passé à travers tant de morts. Le 1er septembre 1879 arrive à Port-Vendres un ancien navire militaire de transport de chevaux, reconverti et employé depuis une dizaine d'années à la déportation de condamnés, le Var. À son bord, 410 communards, qui, après un exil en Nouvelle-Calédonie de 6 ou 7 ans pour la plupart, ont obtenu du gouvernement de la République l'amnistie. Ce 1er septembre, ils touchent le sol français après un voyage en mer de 10 semaines depuis Nouméa. Lorsque les premiers déportés sont descendus, ils ont crié « Vive la France !» Et la foule a répondu par les cris de « Vive la France ! Vive la République !» Ces cris se sont reproduits à différentes reprises. Dans la journée, un seul cri de « Vive la Commune !» a été poussé par un marin de Port-Vendres qui est connu et aura probablement à en répondre. Le journal des débats, 3 septembre 1879. La plupart de ces déportés en Nouvelle-Calédonie sont en fait rapatriés après la première loi d'amnistie, c'est-à-dire celle de 1879, qui est une loi d'amnistie partielle. Comme c'est une loi d'amnistie partielle, on est aussi dans un combat qui continue, c'est-à-dire un combat pour l'amnistie plénière. Et ces déportés sont rapatriés à l'automne 1879, donc le temps qu'ils reviennent en fait de Nouvelle-Calédonie. Et à ce moment-là, il y a une grande effervescence autour de ces rapatriements, parce que d'abord, ils représentent le retour des communards, donc on se demande comment va se passer ce retour des communards, si ça va bien, les pouvoirs publics, le gouvernement, on se demande si ce retour des communards va bien se passer. On a peur d'une autre insurrection ? Non. Non, en réalité, non. Mais on craint quelques troubles et puis surtout, on craint l'utilisation de ce retour des communards qui pourrait troubler l'ordre public. Et surtout, on craint l'utilisation de ce retour pour montrer qu'au fond, il ne fallait pas amnistier les communards. Non. Donc en fait, il y a de grands rassemblements à l'automne 1879, et puis finalement, donc tout se passe relativement bien. Et il y a une seconde amnistie en 1880 qu'on considère comme une amnistie plénière. Alors en réalité, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, on la considère et tout le monde la considère comme une amnistie plénière. Et cette amnistie est votée juste avant le 14 juillet 1880. Qui est la date où on célèbre pour la première fois le 14 juillet comme fête nationale, en tout cas pour la Troisième République. Donc c'est un signe de réconciliation nationale. Voilà, c'est un signe de réconciliation nationale, c'est un signe d'unité nationale. Et donc à ce moment-là, au moment du 14 juillet, il y a quelques grandes figures de la Commune qui reviennent, comme Vallès, comme Rochefort, bien qu'on puisse discuter sur le rôle de Rochefort comme figure de la Commune, mais enfin, en tout cas, il a été déporté comme ayant eu des sympathies vis-à-vis de la Commune. Puis après, il s'est évadé de Nouvelle-Calédonie, hein, donc il revient, non pas de Nouvelle-Calédonie, mais d'exil, pour le 14 juillet 1880. Donc là, il y a le retour de grandes figures. Savez-vous d'où je viens ? Oui, mademoiselle, nous le savons. Vous avez été condamnée. Vous êtes une criminelle sanguinaire, une pétroleuse. C'est pourquoi vous n'avez pas le droit de me donner des ordres. Écoutez-moi bien. Dans ma classe, il n'y a ni riche ni pauvre. Ce qui va être important ici sera le travail, l'effort et la découverte des connaissances. Et puis aussi le respect. Il va falloir vous habituer à vous respecter les unes les autres, d'accord ? En 1880, la République s'est consolidée. Dans un premier temps, la République n'est que nominale. Hein, le gouvernement est plutôt dirigé par des monarchistes. Mais l'Assemblée qui vient n'est pas fondamentalement républicaine. D'ailleurs, elle ne vote la République qu'à une voix de majorité, ce fameux amendement qui établit qu'il y aura un président de la République. Donc, il y a une lutte dans les années 1970 entre le parti monarchiste et le parti républicain, que le parti républicain gagne définitivement et à la fin des années 1870. Et là, ce parti républicain, dont le leader principal, les principaux chefs sont Gambetta, Jules Ferry et d'autres, il va faire voter l'amnistie à la Chambre des députés, pendant qu'au Sénat, c'est Victor Hugo qui va mener la campagne pour l'amnistie. Alors, ça fait 10 ans qu'ils sont déportés, c'est quand même assez lourd. Donc, on pense aussi par humanisme qu'après 10 ans, on peut considérer que 10 ans de Nouvelle-Calédonie, et pour d'autres, 10 ans de prison, de travaux forcés, ça va, ils ont suffisamment été châtiés, hein, donc on a quand même une volonté humaniste. Chez Hugo, c'est très net et très, très sensible dans ses déclarations. Mais il y a surtout un sens politique, surtout chez Gambetta. C'est ça le texte que je voulais lire. C'est sa déclaration qui est faite en juin 1880 devant la Chambre des députés. C'est simplement un extrait. C'est qu'au fond, l'amnistie, ce sera l'amnésie. Voilà ce qu'il écrit pour convaincre l'Assemblée. Donc il faut que vous votiez l'amnistie. Il faut que vous fermiez le livre de ces 10 années, que vous mettiez la pierre tumulaire de l'oubli sur les crimes et les vestiges de la Commune. On l'a tué à coups de chassepot, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la Commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la Commune n'est pas morte. Bien sûr, l'amnistie, c'est un soulagement. C'est tout simplement leur liberté qui est en jeu. Mais pour autant, pour eux, l'amnistie, ce n'est pas l'amnésie. Ça, c'est vraiment très important. Ils refusent les modalités de l'amnistie sous l'angle de l'oubli. Ils veulent continuer à faire vivre la Commune. Donc, c'est vraiment la Commune n'est pas morte. Et donc, il y a des journaux, des rituels, bien sûr, le mur des fédérés. Alors, le mur des fédérés, ça existe toujours aujourd'hui, la marche au mur des fédérés, c'est-à-dire cet endroit du Père Lachaise où bon nombre de communeux ont été tout simplement fusillés, mitraillés dans les... Voilà, sans aucun jugement et de manière arbitraire et monstrueuse. Il y a une première phase qu'on peut distinguer, de 1871, du lendemain même de la semaine sanglante, jusque environ à la Première Guerre mondiale, au déclenchement de la Grande Guerre, où les survivants entretiennent une mémoire très vive. Et j'emploie le mot vive à dessein parce que beaucoup ont le sentiment d'être des morts vivants, voilà, d'être... En fait, ils sont vivants, mais ils vivent avec les morts et ils font vivre les morts. Et ça, c'est très important dans cette période. C'est quasiment spectral, quoi. C'est vraiment le fantôme de la Commune. Il y a un texte magnifique de Lisa Garay, justement, qui imagine, enfin, qui est un survivant de la Commune et qui va écrire vraiment une très, très forte histoire de la Commune et qui imagine les spectres des morts de la Commune surgir comme ça en pleine assemblée versaillaise pour tarauder voilà, et hanter ceux qui ont ordonné leur massacre. Il faut aussi se rappeler que si ce souvenir spectral est si puissant, c'est qu'on n'avait jamais vu, même au temps des guerres de religion, un tel massacre en plein Paris. Hein. Bon. On a bien fusillé Varlin, Flourens, Duval, Millière, Ferré, Rigaud, Tony Moilin, gavé le cimetière. On croyait lui couper les bras et lui couper la horte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la Commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la Commune n'est pas morte. Eugène Potier. Cette période où les Français se sont battus devant les Prussiens, se sont divisés, ont fait une guerre civile, se sont entretués, et surtout les communards, puisque c'est quand même plutôt les crimes de la Commune qui sont visés, mais finalement, ils visent toute la période aussi. Il ne faut plus qu'on en parle. Ça ne sera pas une base de la mémoire républicaine qu'il faut créer. Donc dans toute cette grande mémoire que Nora avait décrite dans les lieux de mémoire, hein, ces grands livres qu'il avait sortis il y a une trentaine d'années, hein, les lieux de mémoire, où il décrivait la mémoire républicaine, qui est un peu disparue actuellement, mais où il décrivait la grande mémoire républicaine que la Troisième République a construite, il faut faire silence sur la Commune. Et ça, ce silence sur la Commune, ça reste, dans une certaine mesure, la mémoire dominante. Voilà, c'est un événement qui gêne, qui pose problème, qui est difficile. Que notre République soit née sur un bain de sang, c'est pas évident à assumer. Et quand on voit les programmes scolaires, c'est toujours une bataille pour introduire. À un moment, il y a encore quelques années, la Commune n'était même plus mentionnée comme un événement qu'il fallait évoquer dans les manuels scolaires. Ou alors, on peut commenter une image de Louise Michel qui permettra de parler de la Commune de Paris. Mais voilà, ça n'est plus, et ça ne l'a quasiment jamais été, comme présent dans l'histoire. Le 27 mai 1870, les troupes versaillaises et les gardes nationaux s'affrontent au cimetière du Père-Lachaise, tandis que les quartiers de Charonne et de Belleville tombent progressivement en signant la fin de la Commune de Paris. La semaine sanglante s'achève avec l'exécution de 147 communards contre le mur d'enceinte du cimetière devenu dès la fin des années 1870 un lieu de pèlerinage, d'abord pour les communards et les communardes et leurs proches, et après leur disparition, pour tous les mouvements de la gauche politique qui se réclament de l'héritage de la Commune de Paris. À chaque dernier dimanche du mois de mai, on peut observer cette montée au mur des fédérés. Au Père-Lachaise, devant le mur des fédérés, le peuple de Paris, fidèle à un souvenir vieux de 75 ans, est venu honorer les morts de la Commune, fusillés par les pelotons de l'armée des Versaillais. Sous la direction des grandes organisations ouvrières, une foule immense a accompli le pèlerinage maintenant traditionnel au mur tragique devant lequel périrent les communards. Paris qui se souvient, Paris qui n'est Paris qu'arrachant ses pavés, selon le mot du poète, songe devant ce mur à d'autres murs plus proches, à d'autres morts plus proches. Tu voulais revoir l'endroit. Le voilà devant toi. Tu voulais revoir ça. C'est là devant toi. Une ruine sous une pluie fine, fine, fine. Parmi les digitales rouges, sentimentales, La Commune de Paris, celles et ceux qui l'ont faite. Dénuée, avec Mathilde Larère, Éric Fournier, Ludivine Bantini, Jean-Louis Robert, Quentin de Luermoz, Bertrand Tillier, Raphaël Messant, Laure Godineau et Michel Vinocq. Se sont rués, rués. Lecture, Charlotte Zotto et Philippe Saïd. Prise de son, Yann Frécy et Marie Le Peintre. Mixage, Claude Niort. Coordination, Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. La Commune de Paris, celles et ceux qui l'ont faite. On reprend la route. Un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Soumanina. Ce n'est qu'une ruine.